On aurait toujours nos réserves sur le dos. Paul étouffait dans sa graisse. Elle était accro, Paul. Il était accro, Paul. Mais la graisse, c'est plus beau. C'est bien plus beau que ce soir. La prochaine chanson s'appelle par son nom. Plaisant. Nous l'avons individué Zounia Gorge qui le donne comme l'été pente sur les fils à linge au loin dans les prairies où tout le monde peut s'éclater enfin en paix.